إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Wabad, chers frères et sœurs, dans l'assise d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous avertir contre un fléau qui touche beaucoup de nos frères et sœurs. Ce fléau est un fléau qui détruit des foyers, un fléau qui divise des familles entières, un fléau qui détruit les liens de voisinage ou les liens d'amitié. Et ce fléau n'est autre que les querelles et les conflits qui mènent à l'animosité et à la haine entre les gens. Les querelles et les conflits et cette animosité sont aujourd'hui présents dans beaucoup de familles, que ce soit entre l'homme et son épouse, ou entre les frères et sœurs, ou encore entre les parents et les enfants, ou autres parmi les membres de la famille. Et ces conflits et cette animosité sont aussi présents parfois entre voisins, entre amis, entre proches, entre frères en religion et ainsi de suite. Et la survenue de discordes ou de désaccords n'est pas une chose surprenante en soi. Je dirais même que c'est une chose inévitable entre les hommes. Il y aura forcément des désaccords, des discordes, entre toi et tes amis, entre toi et tes proches, entre toi et ton épouse, entre toi et ton époux, et ainsi de suite. Mais ce qui est surprenant, et ce qui est blâmable, est que ces querelles mènent à la haine entre les gens, à la rupture des liens de parenté, au boycott de ton frère, au boycott de ta sœur, à des conflits interminables et sans fin entre des gens qui, à la base, étaient réunis par une certaine proximité, que ce soit par un lien familial, un lien de voisinage, un lien d'amitié, ou ne serait-ce qu'un lien de fraternité religieuse. Ce qui est blâmable, ce n'est pas la discorde en soi, car comme on a dit, celle-ci est inévitable. Mais ce qui est blâmable, c'est de refuser la concorde et la conciliation, de ne pas chercher à arranger les choses, de ne pas chercher à réparer les fautes causées, de ne pas chercher à être indulgent envers son frère ou envers sa sœur, et de s'obstiner dans des conflits qui, bien souvent, sont à la base insignifiants. Des choses qui pourraient facilement être réglées avec un peu d'indulgence et d'effort de la part de chacun. Et le plus grave en cela est que bien souvent la cause de ces discordes n'est même pas un motif religieux. Mais ces désaccords, ces conflits et ces discordes sont souvent sur des affaires mondaines. Des frères qui se disputent et se tournent le dos pour des biens vils de ce bas monde. Que ce soit pour l'amour de l'argent, ou encore l'amour de la notoriété, l'amour de sa personne, le désir d'avoir toujours le dessus sur les autres, ou d'avoir toujours raison, et ainsi de suite. Et d'autres encore se séparent et se tournent le dos en se basant sur des malentendus, ou des suspicions et des choses infondées. Wallah al-Musta'an. Mes frères et sœurs, où en sommes-nous des nombreux textes du Coran et de la Sunnah appelant à l'union, appelant au pardon, appelant à la concorde, appelant à la conciliation? Où en sommes-nous de cela? Où en sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans son noble livre: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque. Et la réconciliation est meilleure. Où en sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre: إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Si les deux veulent la réconciliation, Allah rétablira l'entente entre eux. Si les deux veulent la réconciliation, Allah subhanahu wa ta'ala rétablira l'entente entre eux. Où en sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre: فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Et quiconque pardonne et réforme, sa récompense incombe à Allah. Où en sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et pardonner est plus proche de la piété. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Et n'oubliez pas les faveurs mutuelles entre vous. Tous ces versets appelant à la concorde, à l'union et au pardon. Où en sommes-nous de cela? Est-ce que tu mets cela en pratique dans ton foyer? Est-ce que tu mets cela en pratique avec ton époux, avec ton épouse, avec tes enfants, avec tes parents? Où en es-tu de cela? Où en sommes-nous de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « Innama al-mu'minuna ikhwa » Les croyants ne sont que des frères. Nous sommes des frères, nous sommes liés par cette fraternité religieuse. Où en sommes-nous de la mise en pratique de ce verset ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite « فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Es-tu conscient de cela ? Que tu es lié à tes frères par ce lien immense de la foi. Tu dois donc préserver cette fraternité, entretenir cette fraternité. Et ton frère en religion a des droits sur toi, des droits qui ne sont pas insignifiants. Donc pourquoi entretenir ces conflits et ces discordes qui bien souvent sont insignifiants ? Pourquoi ne pas plutôt nous soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » Établissez la concorde entre vos frères. Établissons la concorde entre nous. Unissons-nous sur la vérité. Éloignons-nous de ces discordes, de ces animosités, de cette rancune, et ainsi de suite. Nous connaissons tous la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous interdit les causes menant à la haine et à la discorde. Mais où en sommes-nous de sa mise en pratique ? Ne vous enviez pas, ne surenchérissez pas sans l'intention d'acheter, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos et n'interférez pas dans les transactions des autres. Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Allahu Akbar. Où en sommes-nous de la mise en pratique de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Soyez des serviteurs d'Allah et des frères. Le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne lui ment pas et il ne le méprise pas. La piété se trouve ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam montra sa poitrine à trois reprises. Il suffit à un homme comme mâle qu'il méprise son frère musulman. Mépriser ton frère, cela te suffit comme mâle. De le rabaisser, de le dédaigner. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle une chose immense et il nous dit « Le musulman est entièrement sacré pour le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. » Le musulman est entièrement sacré. Tu dois donc préserver le sang, les biens et l'honneur de tes frères et sœurs en religion. Médite sur ce hadith. Ne te contente pas de le mémoriser, de le lire, d'en comprendre le sens sans le mettre en pratique. Car celui-ci sera un argument contre toi au jour de la résurrection. Rappelle-toi aussi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'est pas permis pour le musulman de boycotter son frère, c'est-à-dire de le délaisser plus de 3 nuits. » De sorte à ce qu'ils se détournent l'un de l'autre lorsqu'ils se rencontrent. Il croise son frère, mais il l'évite. Ceci est une forme de délaissement et de boycott. Et celui qui fait cela est dans le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Et le meilleur d'entre eux est celui qui commence par adresser le salam. » Le meilleur d'entre eux, c'est celui qui va revenir à l'autre. Celui qui va chercher la conciliation. Celui qui va chercher l'union sur la vérité. Celui qui va faire preuve de pardon et d'indulgence envers son frère. C'est lui le meilleur d'entre eux. Rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Boycotter un musulman une année est comme faire couler son sang. Boycotter un musulman une année est comme faire couler son sang. Ce n'est pas une chose sans gravité. Donc remets-toi en question si tu te trouves dans cette situation. Et rappelle-toi de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith « Allah ne fait qu'augmenter en honneur le serviteur qui pardonne. » Et nul ne fait preuve de modestie pour Allah sans qu'Allah ne l'élève. Allahu Akbar. Allah ne fait qu'augmenter en honneur le serviteur qui pardonne. On a tendance à penser que lorsqu'on pardonne, on s'humilie, on se rabaisse. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever par ce pardon. Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en raison de ton indulgence. Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en raison de ce noble comportement. Et il va t'augmenter en honneur. Donc ceci est un rappel pour nous tous. Car chacun d'entre nous a des manquements à ce sujet. Nous devons faire des efforts pour délaisser cette maladie de la haine, de la rancœur, la rancune envers nos frères et sœurs. Car c'est une maladie qui détruit les âmes, qui détruit les cœurs. Et nous devons nous rappeler que cette haine, cette animosité, cette rancœur, cette rancune, ce sont des causes qui vont nous priver de beaucoup de biens et de beaucoup de bénédictions. Médite à ce sujet, sur ce hadith authentique dans lequel il est rapporté, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait informer ses compagnons de la nuit du destin. Nous arrivons bientôt dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits dans lesquels se trouve une nuit meilleure que 1000 mois, qui est la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait informer de cette nuit. Et deux hommes parmi les musulmans se sont disputés. Alors elle a été cachée. Subhanallah. Les savants ont dit, elle a été cachée en raison d'une querelle. En raison de ces querelles, on peut être privé de beaucoup de biens. Alors si on veut le bien de la part d'Allah, si on espère son pardon, sa miséricorde, commençons déjà par délaisser l'animosité, la haine et la rancœur entre nous. Si tu souhaites être pardonné, commence par pardonner à tes frères et à tes sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, les portes du paradis sont ouvertes le lundi et le jeudi. Et on pardonne alors à tout serviteur qui n'associe rien à Allah. Tout monothéiste est pardonné. À l'exception de qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. On dit alors, laissez du temps à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez du temps à ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Et dans une autre narration, les œuvres sont exposées chaque lundi et chaque jeudi. Allah pardonne alors à tout individu qui n'associe rien à Allah, à l'exception d'un homme qui est en conflit avec son frère. On dit alors, laissez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Les gens de science ont dit que ceci est une preuve que les conflits, les discordes, sont une cause de privation du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont en conflit. Il n'y a pas de doute que ceci est une calamité. Comment à l'écoute de cela tu peux rester indifférent et persister, t'obstiner dans des conflits insignifiants avec tes frères et sœurs? Il nous incombe à tous de nous remettre en question, de délaisser ces conflits, de délaisser ces discordes, de délaisser l'animosité et la rancœur entre nous, et nous rappeler que si nous nous obstinons dans cela, alors nous réjouissons le diable. Car le diable, il aime les conflits, il aime la discorde, il aime que les musulmans aient de l'animosité les uns envers les autres. Donc, si tu persistes à couper les liens avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes tantes, avec tes oncles, avec tes amis, ou avec d'autres parmi tes frères en religion, sache qu'en faisant cela, tu réjouis le diable. Tu ne satisfais pas ton Seigneur en faisant cela. Ne pense pas que ton acte est un acte louable. Ne pense pas que ton acte est un acte pour lequel tu es récompensé, tu mérites d'être loué. Non, tu es blâmé pour cela. Car en faisant cela, tu réjouis Iblis. Fais donc des efforts pour la conciliation. Fais donc des efforts pour renouer les liens avec tes frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, le diable a perdu tout espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière. Il a perdu tout espoir d'être adoré dans la péninsule arabique par ceux qui accomplissent la prière. Mais il n'a pas perdu espoir de semer la discorde entre eux. Il se contente de cela. Son objectif, ce serait de nous mener au polythéisme, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Mais s'il n'y arrive pas, qu'il n'arrive pas à te faire tomber dans le shirk, qu'il n'arrive pas à te faire tomber dans la mécréance, alors il se satisfait de quoi? Il se satisfait de semer la discorde entre les musulmans, en provoquant des querelles, en provoquant des conflits, en provoquant de l'animosité et de la haine. Donc si tu sais cela, pourquoi persister à satisfaire le diable? Lorsque les musulmans sont en conflit les uns avec les autres, ils ouvrent la porte au diable pour égarer la communauté. C'est pour cela que certains ont dit que l'animosité entre les musulmans, et d'autant plus entre l'élite des musulmans, les étudiants en sciences ou les prédicateurs et autres, ceci est une cause de la propagation du shirk dans la communauté. Allah al-Musta'an. Ceci nous montre la gravité de s'obstiner dans cela. Ces conflits et ces querelles ne mènent à aucun bien, ne font qu'endurcir ton cœur et te mènent aux soucis et aux chagrins. Alors que pardonner te mènera au bonheur ici-bas et dans l'au-delà et apaisera ta poitrine. Ta poitrine sera légère. Ceci est donc ce qu'il y a de mieux pour le croyant. D'être indulgent, de chercher la concorde, de chercher la conciliation. Et d'autant plus avec tes proches et les gens de ton foyer. Commençant par tes parents, d'être indulgent envers eux. De leur pardonner s'ils ont des manquements envers toi. Également à l'égard de tes enfants. L'homme avec son épouse, l'épouse avec son mari. Il faut arrêter d'entrer en conflit à la moindre parole, au moindre malentendu, à la moindre discorde, au moindre désaccord. Non, il faut apprendre à passer outre cela et chercher la concorde entre nous afin de nous unir sur le bien et la vérité. surtout en ce mois de Ramadan. Ce mois de Ramadan qui est le mois où chacun d'entre nous espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous fait des œuvres pour se rapprocher davantage de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, espérant quoi? Espérant le paradis, espérant être pardonné. Car nous faisons tous des péchés, nous avons tous besoin du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si toi tu espères être pardonné, fais des efforts pour pardonner à tes frères et pardonner à tes sœurs s'ils ont eu des manquements envers toi. Toi-même tu as des manquements envers eux, ne pense pas que tu es parfait. De la même manière que tu peux faire des reproches aux autres, les autres peuvent t'adresser des reproches. Tu as aussi des manquements, tu as aussi eu des mauvais comportements, tu as aussi eu des mauvaises paroles. Donc cesse d'être intransigeant avec les autres, alors que toi-même tu as des manquements. Et n'oublie pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit dans le hadith, « Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. » Et dans un autre hadith, « Soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur la terre, et celui qui est au-dessus des cieux vous fera miséricorde. » Donc si tu espères la clémence, la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, pars-toi de ces nobles qualités envers tes frères et sœurs, envers tes proches, envers ta famille, ainsi de suite. Enfin, pour clôturer cette assise, j'aimerais mentionner un récit qui nous est rapporté dans un hadith authentique et qui nous montre le noble comportement à adopter lorsque tu es en conflit avec quelqu'un, et notamment si cette personne est un membre de ta famille. Comme vous le savez certainement, Aïcha radiallahu anha était connue pour sa générosité. Et il lui est parvenu que son neveu Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhuma avait prononcé une parole à ce sujet. Abdullah ibn Zubayr, c'est le fils de la sœur de Aïcha. Et c'est de lui que Aïcha tire sa kunya, Umm Abdillah. Elle a donc demandé s'il avait vraiment dit cela, et on lui confirma. Elle fit alors le vœu de ne plus jamais lui parler. Alors, lorsque ceci a duré, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhuma, a parlé à deux hommes, Al-Miswar ibn Makhrama et Abdurrahman ibn Al-Aswad. Il leur a dit, « Je vous adjure par Allah, faites-moi rentrer auprès de Aïcha, car il ne lui est pas permis de faire ce vœu, de rompre les liens avec moi. » Alors, ils se sont rendus avec lui auprès de Aïcha, et ils ont demandé l'autorisation à Aïcha de rentrer auprès d'elle. Ils lui ont dit, « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pouvons-nous entrer ?» Aïcha radiallahu anha dit alors, « Entrez. » Ils dirent, « Pouvons-nous tous entrer ?» Elle dit oui, « Entrez tous. » Et elle ne savait pas qu'il y avait parmi eux Abdullah ibn Zubayr. Alors, lorsque Abdullah ibn Zubayr est entré, il est passé derrière le voile et il prit dans ses bras Aïcha radiallahu anha, alors qu'il pleurait. Il l'a supplié de lui parler. Et Al-Miswar et Abdurrahman également insistaient afin qu'elle lui parle. Et ils lui dirent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et il a dit qu'il n'est pas permis aux musulmans de délaisser son frère plus de 3 nuits. Alors, après qu'ils aient insisté auprès de Aïcha radiallahu anha, et qu'il lui ait rappelé cela, elle se mit à pleurer, et dit, mais toutefois j'ai fait un vœu, et l'affaire du vœu est sérieuse. Alors ils insistèrent jusqu'à ce qu'elle parle à Abdullah ibn Zubayr. Et il est rapporté que pour expier ce vœu, Aïcha radiallahu anha a affranchi 40 esclaves. Et lorsqu'elle évoquait cela, elle pleurait jusqu'à ce que son voile soit mouillé de ses larmes. Et ce récit est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Regardez donc dans ce hadith le noble comportement de Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhuma. Malgré que ce soit sa tante Aïcha radiallahu anha qui refusait de lui parler, il ne s'est pas enorgueilli. Il n'a pas lui aussi rompu les liens avec elle. Mais il a tout fait pour revenir à elle et renouer les liens. Donc ceci te montre le noble comportement à adopter. D'autant plus avec les membres de ta famille. Il est accablant aujourd'hui d'apprendre que des gens au sein d'un même foyer ne s'adressent pas la parole. Parfois même l'homme avec son épouse, ou l'homme avec ses enfants, ou l'homme avec ses frères et sœurs. Et que ceci peut durer des semaines, des mois, voire même des années. Wal'iyadu billah. Donc vous avez tous entendu ces textes qui nous appellent à la conciliation, qui nous appellent au pardon, qui nous appellent à l'indulgence. Il ne reste plus maintenant qu'à les mettre en pratique. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de purifier nos cœurs de toute rancune, de toute haine et de toute animosité à l'égard de nos frères et sœurs, et de nous aider à corriger nos comportements afin de faire les causes menant à la concorde et l'union entre les musulmans. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.